toujours trop indé, si pas dessin. Souvent c'était pour moi qui faisait des descentes. Courage un peu, si l'on se relève toujours. Et même quand je suis au plus bas, la pluie, bas la pluie, pas raconte ce qu'ils n'ont jamais vécu. Les murs écoutent et les putes parlent. Coup de croix, je suis gentil, non je te bute pas. Je viens de là où ton voisin peut être la pire des pulcras. Une puta, une puka ou un trap. Un refrain, un teutré ou un bras, ça m'effraie. Si seulement tu savais ce qui se passait dans ma tête. Des fois j'ai envie de tout ken, mais trop barrières me freinent. Je suis pas venu pour perdre, tu vas payer en coulo. Rancunier mais tu connais, je garde ça avec le sourire. J'oublie pas tous ces suceurs, tu vas payer en coulo. Wesh ma gueule, j'aime la vie, j'ai mon 9-4. Ils veulent détruire ma tour, c'est maintenant que ma cité craque. Baisse les keufs et la poulaille, on trahit pas la Honda. On m'a dit dans le rap, tu défourailles. Mais je préfère la moula, autant tu ne pourras ambiancer. Arrête fou dans ta sépa, pour mon bâtiment c'est pas. Ma routine a traîné tous les jours en bas. J'ai sûrement perdu des choses que le futur ne rend pas. J'ai grandi là où la chance cigogne ne souriait pas. Une patate KO, la vie m'a mis dans les vapes. Puis on se relève. Je te présente ma haine, moi je te plais. Je crois bien qu'on est fêlé dans la tête. Toujours un majeur en l'air. Mais sort qu'on les blesse, on encaisse. Dans la ville, je suis gang, on les ken. Plus les années passent, plus toi tu parais suspect. On sait que t'es bon qu'à sucer. On trahit pas gros, on reste vrai. C'est pas en léchant des culs que t'auras mon respect. Mais bon, on fait avec frère, j'accélère. Zéro point sur le permis, ça me casse les yeux. Y'a les coups de crasse, y'a des guerres bas, y'a des coups bas. J'ai des cœurs froids et c'est toujours la même.